Ecclésiaste chapitre 6. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, et qui est fréquent parmi les hommes. C'est qu'il y a tel homme à qui Dieu donne des richesses, des biens, et des honneurs, en sorte qu'il ne manque rien à son âme de tout ce qu'il serait souhaité, mais Dieu ne l'en fait pas le maître pour en manger, et un étranger le mangera. Cela est une vanité, et un mal fâcheux. Quand un homme en aurait engendré 100, et qu'il aurait vécu plusieurs années, en sorte que les jours de ces années se soient fort multipliés, cependant si son âme ne s'est point rassasiée de bien, et même s'il n'a point eu de sépulture, je dis qu'un avorton vaut mieux que lui. Car il sera venu en vain, et s'en sera allé dans les ténèbres, et son nom aura été couvert de ténèbres. Même en ce qu'il n'aura point vu le soleil, ni rien connu, il aura eu plus de repos que cet homme-là. Et s'il vivait 2000 ans, et qu'il ne jouit d'aucun bien, tous ne vont-ils pas en un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant son désir n'est jamais assouvi. Car qu'est-ce que le sage a plus que le fou, ou quel avantage à l'affligé, qui sait marcher devant les vivants? Mieux vaut ce qu'on voit de ses yeux, que si l'âme fait de grandes recherches. Cela aussi est une vanité, et un rongement d'esprit. Le nom de ce qui a été, a déjà été nommé. Et savait-on ce que devait être l'homme, et qu'il ne pourrait plaider avec celui qui est plus fort que lui? Quand on a beaucoup, on n'en a que plus de vanité, et quel avantage en a l'homme? Car qui est-ce qui connaît ce qui est bon à l'homme en sa vie, pendant les jours de la vie de sa vanité, lesquels il passe comme une ombre, et qui est-ce qui déclarera à l'homme, ce qui sera après lui sous le soleil?